quatrième et dernier temps de notre série consacrée aux catastrophes culturelles. Ce matin, le documentaire. Depuis le début de la semaine, nous nous sommes approchés de différents exemples de catastrophes culturelles. Palmyre lundi avec Annie Sartre-Fauria, Sarajevo, Beyrouth et la notion d'herbicide, mardi, hier la disparition de la bibliothèque d'Alexandrie et la question de la façon dont on peut surmonter une perte comme celle-ci. Aujourd'hui, dans le documentaire réalisé par Thomas Duterre, nous avons choisi d'imaginer l'importance des collections du Musée National de Rio disparues dans un gigantesque incendie la nuit du 2 au 3 septembre dernier. Comment rendre compte de cette richesse disparue par le souvenir de chercheuses et de chercheurs qui ont fréquenté ce lieu ? Rio, souvenir du Musée National, un documentaire de la Fabrique de l'Histoire jusqu'à 10h ce matin avec Armel Enders, Benoît de l'Étoile, Felipe Brandi, Philippe Grandcola et Anaïs Fléchet. Você está no Central MO, que traz atualizações de uma tragédia no Rio de Janeiro. Você vai vendo imagens que mostram o Museu Nacional da Quinta da Boa Vista em São Cristóvão sendo completamente consumido pelas chamas. Um incêndio que começou a agir por volta das 7h30 da noite nesse domingo. Firefighters have been scrambling to put out the blaze, but it's feared centuries of history and millions of artifacts could be lost to the flames. Une image de la nuit au Brésil avec l'incendie spectaculaire cette nuit du Musée National de Rio de Janeiro. Le feu a pris aux alentours de 00h30 heure de Paris. Le musée était fermé au public. C'est une énorme perte pour la culture brésilienne, disait le président brésilien dans un communiqué tout à l'heure. Plus de 20 millions de pièces de valeur dans ce Musée National de Rio de Janeiro. Et les historiadores lamentam o que está acontecendo no Museu Nacional. L'incendie a eu lieu le soir et il y a eu toute une émission spéciale où on a vu l'immeuble partir en fumée. Anaïs Fléchet. Les pompiers étaient là, mais on avait l'impression qu'ils ne pouvaient rien faire. On n'a pas réussi à avoir de l'eau tout de suite, il a fallu aller en chercher plus loin, etc. Donc toute une série de défaillances qui ont été mises à jour lors de cet événement. Au matin du 3 septembre 2018, réseaux sociaux et télévisions du monde entier relaient les images de l'incendie qui vient de détruire, dans la nuit, le Musée National de Rio. On y voit les flammes monter bien au-dessus de la façade néoclassique et dépasser les statues du XVIIIe siècle qui couronnaient la toiture. Tous les Brésiliens comprennent alors que l'ensemble des collections de ce musée d'histoire naturelle et d'anthropologie, qui fêtait ses 200 ans cette année, a disparu dans les flammes. Un mois après cette catastrophe, nous avons rencontré des entomologistes, historiens ou anthropologues qui ont fréquenté ce lieu de savoir et de recherche qu'était le Museu Nacional. Et nous leur avons demandé un exercice simple, se souvenir des lieux, des salles, des décors, des couloirs, mais aussi des rencontres qu'ils avaient pu y faire pour que les collections exceptionnelles qui étaient conservées dans ce palais de la Quinta da Boa Vista ne disparaissent pas totalement de nos mémoires. Rio, souvenirs du Musée National. Un documentaire d'Emmanuel Laurentin, réalisé par Thomas Duterre. Le Musée National se situe dans ce qu'on appelle la zone nord de Rio de Janeiro, un des quatre quartiers de cette immense ville, de cette immense municipalité qu'est Rio de Janeiro. Armel Enders. Et cette zone nord, c'est très symbolique dans l'histoire de Rio, ça s'oppose à la zone sud, qui est la zone bourgeoise, touristique, les plages, etc. Et la zone nord, c'est la zone populaire et petite bourgeoise, mais qui a été, au début du 19e siècle, un lieu de villégiature des élites royales puis impériales. Guide Nagel, Brésil, 1955. Le palais de la Quinta da Boa Vista servit de résidence aux rois João VI, Pedro I et Pedro II. De 1890 à 1891, il fut le siège de l'Assemblée constituante et depuis 1893, il abrite le Musée national de sciences naturelles, d'ethnographie et de géologie. Quand je suis allée à Rio pour la première fois, je ne suis pas allée au musée national parce que le musée national était assez excentré. Ce n'était pas du tout un lieu qui appartenait au circuit touristique. On n'est pas dans les quartiers des plages, on n'est pas dans le centre de Rio, on n'est pas dans le quartier de Lapa où il y a les clubs de musique que je fréquentais. On n'est pas non plus sur les hauteurs de Santa Teresa qui est le quartier un peu bohème. On est dans la zone nord de la ville, donc dans des quartiers qui... autrefois étaient des quartiers élégants de la haute société, de l'aristocratie portugaise, puis de l'Empire brésilien, début du 19e siècle, mais qui aujourd'hui sont des quartiers totalement paupérisés où on n'a pas forcément de raison pour aller flâner. Alors, qu'est-ce qu'il y a à côté du musée national ? Il y a la Feira de São Cristóvão, qui est une sorte de grand marché traditionnel d'artisanat et de spécialités culinaires du Nord-Est, mais très très populaire. Et puis le Maracana. Quand on va au Maracana, on passe par la station de métro, en général de San Cristóvão, qui est la station de métro qu'on utilise pour accéder au musée national. Passait par une passerelle et on traversait, on rentrait dans le parc par les grilles et là on montait à travers les arbres anciens. Alors, à certains moments c'était un petit peu dangereux parce que le parc n'était pas très sécurisé, donc on évitait de venir avec un ordinateur par exemple. Les étudiants venaient pas avec l'ordinateur dans leur sac à dos. On faisait attention surtout le soir quand ça commençait à être obscur de descendre dans le parc où il y avait à la fois un peu de prostitution et puis des possibilités d'être agressé. Les personnels du musée partaient tôt le soir, on fermait les portes à 17h parce qu'il n'était pas question de traîner dans les lieux. Donc on arrivait dans ce grand parc splendide et puis au milieu il y avait ce grand bâtiment ancien. Philippe Grandcola. On avait un peu des fois du mal à trouver l'entrée, on avait affaire à une personne à l'entrée qui n'était pas très polyglotte, donc on parlait en portugais et on donnait le nom de la personne avec laquelle on avait pris rendez-vous. Guide Briguet. Rio de Janeiro, ses environs, ses promenades, 1929. Le musée dont la façade est précédée de deux pelouses entourées de tertres domine le parc et ne manque pas d'allure. Il est ouvert au public de 8h à 17h, tous les jours sauf le lundi, et sa visite présente le plus grand intérêt pour ceux qui veulent avoir une idée des richesses du pays. Je m'y suis rendue pour la première fois en 2001 dans le cadre de mes recherches sur le compositeur Heitor Villa-Lobos. Anaïs Fléchet. Bon, c'était loin pour y arriver. Il fallait passer le long de grandes passerelles au-dessus des rails, puis on se retrouvait sur le bord d'une grande avenue avec beaucoup de circulation. On traversait cette avenue et on se retrouvait là face à un grand portail ancien, très beau, qui donnait sur un parc. Un parc... qui semblait assez magique en fait, parce qu'on avait l'impression de passer d'une forme d'emprise urbaine très forte à quelque chose de calme, d'un peu hors du temps. Et puis avec des espèces tout à fait particulières, ce qu'on appelle les palmiers impériaux, donc des palmiers très hauts, qu'on connaît aussi dans la zone sud de Rio, dans les quartiers plus chics, notamment au jardin botanique, mais qui, là, dans cet espace un peu pris dans ce quartier... populaire, semblait tout d'un coup magique, quoi. Et donc on rentrait dans ce parc qui était aménagés avec des sortes de terrasses et puis des sentiers qui montaient, puisque en fait le bâtiment du musée, donc l'ancien palais impérial, était situé en haut d'une colline. Donc il fallait, une fois qu'on était arrivé dans le parc, marcher pendant, je dirais, une dizaine de minutes. Et là, le souvenir de l'ambiance est assez fort pour moi, parce qu'il y avait toujours des groupes d'enfants, des enfants des écoles publiques. Alors ça, on le sait parce qu'ils sont soumis au port de l'uniforme. Donc ils étaient habillés toujours avec le t-shirt blanc et bleu et le nom de l'établissement inscrit dessus. Et c'était des groupes qui venaient pour visiter à la fois le jardin et le musée. Des groupes d'enfants très nombreux sur les marches, devant le bâtiment, puisque une fois qu'on avait monté ce sentier, on arrivait face à ce bâtiment. Je ne vais pas dire qu'il était magnifique, mais il était imposant. Voilà. C'est un style très néoclassique, assez symétrique, et puis qui est, avec l'aménagement du jardin, ça donnait une perspective comme ça intéressante. Mes premiers souvenirs, ça date des années 80. Quand j'étais enfant, j'allais beaucoup avec ma famille. Le musée national, il était logé dans un très beau jardin à Rio. Il s'appelle la Quinta da Boa Vista, à côté du zoo. C'est un lieu de promenade avec beaucoup de familles, des enfants. Ça, c'est un très caractéristique du musée. Felipe Brandi. Et je me souviens de mes premières visites avec ma famille. C'était des visites très joyeuses, très libres, sans contraintes. On y allait pour savourer, pour passer un bon moment, entouré de très beaux objets, des créatures fascinantes qui vous interpellaient forcément. Guide bleu, Rio de Janeiro et ses environs. 1955. Lorsque la famille royale arriva à Rio en 1808, elle n'avait aucune demeure. Un particulier offrit au prince régent, Dom João, sa propriété qui devint le Paço de São Cristóvão. Dom João Sisto, Dom Pedro I et Dom Pedro II y vécurent. En 1889, lors de la proclamation de la République, abandonné par la famille impériale exilée, le palais fut le siège de l'Assemblée constituante. En 1893, il fut transformé en musée national, consacré aux sciences naturelles, à l'ethnographie et à l'archéologie. Le parc a subi de nombreuses transformations. Sa superficie est de 94 hectares. Installé sur un terrain ondulé, il fut dessiné à l'anglaise par le français Glasiou en 1860, qui créa un lac artificiel. Un peu abîmé par l'installation d'attractions, il reste magnifique. Au bout de l'allée qui part de l'avenue Dom Pedro II, se dresse le palais, devant lequel une statue de l'empereur philosophe a été élevée en 1925, année du centenaire de sa naissance. Au départ, c'est une résidence, un petit palais que s'est fait construire au tout début du 19e siècle, avant l'arrivée de la cour portugaise à Rio en 1808, un riche commerçant qui est marchand d'esclaves. Armel Enders. Donc, quand la cour est arrivée, donc le régent João VI, il n'y avait que la maison du vice-roi, qu'on n'appelait pas palais justement, hein, mais la maison du vice-roi, qui a été la première résidence et le premier palais impérial. Et ce commerçant, désireux aussi de recevoir quelques honneurs en échange, a mis cette demeure à la disposition et l'a donnée à la famille royale portugaise puis brésilienne. Alors c'était la résidence la plus luxueuse de toute l'Amérique portugaise. Il y avait un élément important, c'est que cet homme avait suffisamment d'argent pour avoir des fenêtres vitrées. Seules quelques églises avaient des vitres, mais toutes les vitres étaient importées. Donc ça coûtait, il y avait toute une façade vitrée, ce qui dit l'opulence du personnage. Donc il faut s'imaginer un intérieur à la fois remarquable, mais un peu vétuste. Un bâtiment qui a été construit au temps où Philippe Grand-Colas. Le Brésil se constituait comme une grande puissance. Donc on coupait les forêts dans l'état de Rio Janeiro, les forêts qui sont les forêts atlantiques qui vont du nord-est du Brésil jusqu'à l'Uruguay. Un grand massif forestier, l'équivalent de l'Amazonie. Et on utilisait du bois précieux de construction. Donc il faut s'imaginer un bâtiment ancien en pierre, avec des entourages de fenêtres en pierre, un peu à la mode coloniale portugaise, avec à l'intérieur des grands planchers en bois précieux et puis des cloisons un peu vétustes, des salles pas trop bien aménagées où voilà, des personnes travaillaient depuis des décennies à accroître les connaissances et le patrimoine de connaissances sur l'histoire naturelle au Brésil. Pas des œuvres d'art, on n'y met pas des collections, c'est pas la vocation du musée. Armel Ender. Ce sont les antiquités du Brésil, les collections qui étaient effectivement acquises par la famille impériale et surtout par l'empereur Dom Pedro II, qui était féru de science, qui avait fait des voyages à travers le monde et notamment en Égypte, et il avait rapporté toute une collection d'antiquités égyptiennes, donc là qui ont été, les momies ont disparu dans l'incendie. Et c'est une caractéristique de ce musée d'avoir lié l'histoire naturelle et l'histoire ethnographique du Brésil, renvoyant finalement les Indiens du Brésil à l'histoire naturelle en quelque sorte. Nagel, Brésil, 1955. Le musée national est ouvert de 10h à 16h, sauf le lundi, entrée libre. On y remarquera spécialement une collection unique au monde d'objets et d'armes indigènes. Ce musée est situé sur une hauteur qui domine tout le parc. Au pied de la terrasse, statue de Pedro II. On monte par un large escalier de pierre et l'on arrive sur une autre terrasse au fond de laquelle ouvrent les trois grandes portes du musée. Dans le hall d'entrée, le grand météore de Bendigo, tombé à Bahia en 1816 et qui pèse 5360 kg. Rez-de-chaussée, paléontologie, salle Arii, fossiles de poissons et d'invertébrés. Fossiles de vertébrés, squelette fossile d'un oiseau préhistorique géant. On entrait, on avait juste des vins. Tout d'abord, c'était les météorites Bendigo. Felipe Brandi. Qui a résisté à l'incendie et est devenu depuis une sorte de symbole de la résistance du musée. Il était là, posé sur un grand socle en marbre. Il accueillait les visiteurs. Derrière lui, il avait un grand escalier en marbre sur une cour verte très claire. Je me souviens qu'au rez-de-chaussée, toujours à droite, il y avait une première salle de paléontologie avec un crâne de tyrannosaure. Quand j'étais enfant, je pense que j'étais plutôt passionné par les dinosaures, les grands reptiles, et le musée, il en avait de superbes. Je me souviens, on montait l'escalier et à l'étage, on arrivait sur la première salle de paléontologie. Il y avait à gauche un cousin du Megatherium, c'est un grand paresseux. Puis il y avait un cryptodon aussi, qui était comme un tatou magnifique. Puis on prenait le couloir vers la droite. Il y avait deux salles. Une toujours de paléontologie, où l'on trouvait un grand sauropode, une sorte de diplodocus, mais brésilien. Au fond du couloir, la première salle d'ethnologie amérindienne. Je me souviens de plusieurs objets très très beaux. Je me souviens des outils de bois, des paniers énormes, de toute taille en fait. Il y avait exposé au centre de la salle des grands masques et des tissus colorés, avec la couleur végétale, j'imagine. Il y avait la céramique Tupi-Guarani, des flèches, des arcs. Il y avait beaucoup d'objets Yuma, Xerente, des Sambaqui, bien sûr, qui étaient les peuples indigènes du littoral de la région de Rio et qui remontent, je pense, à 7000 ans. Il y avait des Botocudos. Voilà, ça, je me souviens bien. Il y avait aussi les salles indiennes, donc avec des objets qui avaient été recueillis ou donnés au musée depuis le 19e siècle et qui donnaient des informations sur la vie de certaines communautés indiennes, mais qui retraçaient surtout l'histoire de l'anthropologie au Brésil telle qu'elle s'était constituée tout au long de ces deux siècles. Et parmi ces objets, il y avait beaucoup d'instruments de musique, notamment des flûtes. Et puis il y avait aussi quelque chose qui était sur le mur, hein, un des murs qui était le portrait du maréchal Candido Rondon. Benoît de l'Étoile. Qui est cet homme qui est très important dans l'histoire de l'indigénisme au Brésil et dans l'histoire des explorations, puisque en fait lui-même qui était d'origine métisse, c'était un militaire qui a fait un nombre d'explorations sur les frontières du Brésil, notamment en Amazonie, dans le Mato Grosso. Qui avait pour but à la fois de reconnaître les frontières septentrionales du Brésil, mais aussi d'installer des poteaux télégraphiques. Et lors de l'une de ces expéditions, Rondon a emmené dans ses bagages un anthropologue, enfin scientifique anthropologue, avec d'ailleurs plusieurs casquettes, Edgar Roquette Pinto, qui est connu aujourd'hui au Brésil pour avoir été le premier créateur de la radio brésilienne. Et Roquette Pinto, avant de créer cette radio, donc, a enregistré des chants de diverses tribus indiennes, notamment les Indiens Paresi du Mato Grosso, sur des cylindres. Il avait un appareil qu'on pouvait voir dans le musée, d'ailleurs, un appareil portatif pour enregistrer sur cylindre. Et les cylindres étaient toujours visibles dans le musée. Programme 14594, collection du Musée national Paresi da Rondônia. Copiado no Instituto Nacional do Cinema Educativo. Recherche. Je me suis plutôt penchée sur les musiques populaires urbaines et donc sur des métissages sonores entre, disons, le fond européen et les musiques africaines, donc afro-brésiliennes. Mais ça m'a intéressée quand même parce que le premier compositeur brésilien sur lequel j'ai travaillé, Heitor Villa-Lobos, s'est inspiré dans ses œuvres de ce qu'on appelait à l'époque le folklore amérindien. Et il a gagné sa réputation à Paris dans l'entre-deux-guerres, justement pour des compositions inspirées des chants des Indiens du Brésil. Quand il est arrivé à Paris, on est dans les années 20, il a créé un petit succès de scandale en disant qu'il était lui-même allé enregistrer et recueillir des chants auprès des Indiens en Amazonie. Il racontait des histoires invraisemblable sur le fait qu'il aurait été capturé, que les Indiens, c'était des cannibales, qu'ils allaient le manger, qu'ils avaient organisé une sorte de cérémonie funèbre en son honneur. Finalement, heureusement, il avait été libéré à la dernière minute, mais il était revenu de toutes ses aventures avec un bagage de rythme, de mélodie, dont il avait ensuite nourri ses compositions. Alors, Villar-Lobos et d'autres compositeurs, ils ont bien sûr travaillé sur des transcriptions, certaines dataient d'ailleurs du XVIe siècle, mais ils ont eu aussi la chance de travailler sur des enregistrements, notamment des enregistrements sur cylindre. La série de compositeurs nationalistes brésiliens, ceux qui ont créé l'école de composition brésilienne dans l'entre-deux-guerres, s'est fortement inspiré de ces cylindres. Et apparemment, Heitor Villa-Lobos allait souvent les écouter au Musée national. C'est peut-être d'ailleurs pour ça qu'ils sont devenus inécoutables et qu'on n'a pas pu les récupérer ensuite. Phonogramme 14605 de la collection du Musée national, copié dans l'Institut national du cinéma éducatif, Canto dos Índios Pareci, de Rondônia. Guide Nagel, Brésil, 1955. Les collections occupent 13 salles. Dans la première salle qui donne sur le parc, collection ostéologique, squelettes et crânes d'indiens tembé et de sambaquis du sud brésilien, crânes déformés d'indiens du Pérou, moulage en plâtre de crânes d'hommes préhistoriques et de divers fossiles humains préhistoriques. Seconde salle. Au mur, gravures et dessins illustrant l'évolution de l'humanité. Collection d'objets carajá et guaporé, coiffures de plumes, métiers à tisser. Troisième salle. Elle compte essentiellement une collection d'objets indiens Canela Ramco Kamekra. Massues, arcs, flèches, paniers, vanneries, gourdes, poupées, sculptures de pierre, boucles d'oreilles, trompes, masques sacrés, parures pour fêtes religieuses. Contre le mur de gauche, deux momies. Quatrième salle. Objets de pêche et objets de pierre du Brésil de l'Est. Urne funéraire du Mato Grosso. Collection indienne de l'Amazone de l'Est et du Sud brésilien. Urne funéraire anthropomorphe, poterie peinte, poterie zoomorphe. Je pense qu'il faut parler aussi de Luzia, que c'était le crâne le plus ancien d'une femme brésilienne trouvée. Felipe Brandi. Nous ne savons pas encore si cela a été détruit ou non. Il y a un espoir que ça a pu survivre. Il était, quand on arrivait au musée, on montait l'escalier, on était dans le salon de paléontologie et il fallait tourner à gauche pour aller dans la direction de la façade principale. Et c'était au fond du couloir, en traversant plusieurs salles. Et apparemment, c'est le plus ancien crâne humain de l'Amérique. Oui. Il y avait des collections africaines dont notamment des choses qui étaient tout à fait intéressantes, parce que c'était en fait des cadeaux du roi Adandazan d'Ahomey, dans l'actuel Bénin, Benoît de l'Étoile, qui l'avait envoyé comme cadeau diplomatique à Dom João Sexto, qui était à ce moment-là roi du Portugal, mais qui se trouvait au Brésil pour fuir les troupes de Napoléon, et donc qui avait des relations en fait très fortes entre ce royaume d'Ahomey et l'Empire du Brésil autour de l'esclavage. Parce qu'en fait, le royaume du Dahomey organisait l'exportation, si j'ose dire, d'esclaves, et qui en grande partie allait vers Saint-Domingue, actuellement Haïti, mais allait aussi beaucoup à Salvador de Bahia, au Brésil. Et en fait, à ce moment-là, il commence à y avoir le contrôle des Anglais sur le trafic de l'esclavage, donc le roi du Dahomey, Adandazan, envoie à son cousin un trône de son père, qui datait donc du 18e siècle, qui était un des plus anciens trônes du Dahomey existant. Il envoie un drapeau qu'il a fait faire, comme on faisait au Bénin, qui célèbre sa victoire, en fait, elle semble tête coupée de ses ennemis, qui présente dans des bassines qui sont là. Alors les Portugais sont assez horrifiés de ce cadeau, et il envoie également des pipes pour le tabac. Le tabac était une des principales ressources qui étaient envoyées vers le Brésil. Donc ça, c'était ces choses-là qui étaient effectivement des cadeaux à l'empereur du Brésil. Il y avait aussi une cape de plume d'un chef d'Hawaï qui était venu en Amérique et qui l'avait laissé également à l'empereur. C'était des choses qui n'étaient pas brésiliennes, mais qui étaient extrêmement précieuses. Je me rappelle après de retourner au musée dans les années 90. J'étais alors étudiant d'histoire. Felipe Brandi. Et je me rappelle des objets de l'antiquité gréco-romaine. Il y avait des fresques admirables de Pompée qui appartenaient à la collection de l'impératrice Teresa Cristina, qui est mariée avec Dom Pedro II. Donc c'était une très belle collection. Je me rappelle bien aussi de reconstitutions d'indigènes dans les salles. Et pour un étudiant d'histoire, ça provoquait une sorte de malaise, même voire d'indignation, parce que c'était comme un résidu de tous les archaïsmes, de tous les préjugés qui nous scandalisaient. Et pourtant, c'était une décision délibérée du musée de les présenter comme ça, de les exposer de cette manière, parce que c'était en fait des documents, non pas ethnographiques sur le peuple indien, mais des documents muséographiques. C'était des traces emblématique d'une présentation longtemps révolue et qui nous fait aujourd'hui rougir. En ethnographie, c'est essentiellement des collections amérindiennes, dont les plus anciennes étaient de la fin du XVIIIe siècle. Par exemple, il y a des masques Tikuna, dont un qui avait été décrit par Debray, qui était un Français qui a vécu au Brésil au début du XIXe siècle, qui a publié des séries de gravures très très importantes, et un des masques que Debray a dessiné, qui était dans les collections royales à l'époque, puis impériales, était encore au Musée national. Et dans ces collections, ce qu'il y avait de très précieux, c'est qu'il y avait effectivement un certain nombre d'objets, donc essentiellement du Brésil, collectés au cours des années, qui étaient venus aussi pour les expositions, de grandes expositions nationales à la fin du XIXe siècle. Certains chercheurs étrangers qui avaient été amenés à déposer leurs objets. Et il y a beaucoup de pièces qui n'étaient plus réalisées par les les Amérindiens, ce qu'on appelle au Brésil les indigènes, ces peuples indigènes autochtones aujourd'hui. C'est-à-dire en fait, et c'est quelque chose qui s'est développé au cours des 20 dernières années, on va dire, justement des programmes où un certain nombre de représentants des groupes indigènes venaient au musée, venaient regarder les objets, avaient le droit de les toucher, discutaient, et parfois effectivement, enfin parfois des objets dont on n'avait plus le savoir-faire, ou des objets que les gens ont recommencé à vouloir retrouver. Donc c'était un centre de mémoire également, en fait, pour les peuples autochtones. Et en cela, c'était aussi une justification toujours des musées d'ethnologie, c'est-à-dire, oui, nous préservons le patrimoine des peuples autochtones pour l'avenir, pour les générations futures. Palais aussi, je me souviens, là aussi un peu plus âgé quand j'étais étudiant d'histoire, je me rappelle bien de la salle du trône qui était à l'extrémité du palais, donnant sur la façade principale. Pour y arriver, les visiteurs devaient traverser tout un dédale de couloirs, de salles. Je me souviens de meubles un peu sobres, un peu austères. Je me rappelle les murs qui étaient richement décorés en trompe-l'œil. Il y avait un plafond avec une représentation mythologique. Je pense que c'était Jupiter et une assemblée de l'Olympe. Cinquième salle. Poteries indiennes contemporaines de la Haute Amazone, du Rio Negro et du Paraná. Sixième salle. Copie de statues et de temples mexicains. Septième salle. Collection ethnographique brésilienne et américaine, boucliers de peau brésiliens, kayaks esquimaux, tambours indiens, objets d'or, de bronze, poteries incas. Collection esquimaux, fume-cigarettes indiens du Rio Negro, tête réduite Jivaro, manteau de plume Cachibo. Huitième salle. Masques et vêtements de plume pour cérémonies religieuses. Neuvième salle. Pirogues indiennes, poteries, flèches, outils, masques, vêtements de plume. 18 salles, enfin, sont consacrées à la zoologie. Mollusques, insectes, poissons, reptiles, batraciens, oiseaux, mammifères. Alors en fait, j'avais affaire aux collections d'insectes, bien sûr, hein, qui sont des collections pour la plupart aujourd'hui qui sont encore conservées à sec. Donc il faut imaginer des grandes boîtes, des grandes armoires avec des tiroirs. Philippe Grandcola. Avec une vitre sur le dessus du tiroir dans laquelle il y a beaucoup d'insectes qui sont épinglés sur des petites épingles spéciales. Donc c'est une forme de conservation qui permet simplement de manipuler les insectes facilement sans les abîmer et de faire toutes sortes d'observations sur leur anatomie, sur leur forme, voire même aujourd'hui d'extraire un certain nombre de molécules, comme des molécules d'ADN, et d'étudier leur relation de parenté. Donc là, le musée de Rio était construit sur la base de pratiquement tous les musées d'entomologie du monde, avec des grandes armoires, des tiroirs dans lesquels il y avait des millions d'insectes. Et donc on cheminait à travers plusieurs couloirs pour arriver dans une des ailes latérales, dans des grandes pièces majestueuses, mais qui étaient traitées en open space de manière un petit peu vétuste. Et puis, dans des diverticules de cet open space, on avait donc des tiroirs de collection par dizaines. Et donc là, on sortait ceux auxquels on était intéressé, en collaboration avec les personnels du musée, les chercheurs, les techniciens. Et puis, on commençait à les étudier, à les regarder sur une table avec un microscope stéréoscopique, et à noter les informations, à prendre des photographies, et ainsi de suite. Beaucoup d'études scientifiques se font sans dépôt de cahier de laboratoire, sans dépôt de spécimens dans la musée, c'est un problème déontologique. Et là, on est confronté vraiment à la disparition de ce témoin, de ce cahier de labo. C'est une machine à remonter le temps. Grâce à cet exemplaire, on peut savoir l'état des populations de telle ou telle espèce il y a un siècle, il y a 50 ans. On a une série temporelle. Donc toute cette série d'exemplaires, dans le cas de certaines espèces pour lesquelles il existait des échantillons suffisants, nous amenait des connaissances faramineuses sur des événements évidemment qui sont passés, donc ils ne se reproduiront plus. Et là vraiment on est dans un manque et une disparition totale. Dans le cas des insectes sur lesquels je travaillais, il y avait eu en particulier une personne qui a travaillé depuis le milieu du XXe siècle jusque dans les années 70-80, puis qui est partie à la retraite et qui avait constitué la plus belle collection d'Amérique du Sud sur un groupe entier d'insectes, qui sont des insectes dictyoptères, des blattes, les mantes et les termites. C'est un groupe qui comporte plusieurs milliers d'espèces en Amérique du Sud, qui ont des rôles importants en termes de décomposition de la matière organique dans les forêts, en termes d'étude du comportement social. Et chaque individu au sein de ses collections, bien sûr, au-delà de son étiquette d'identification spécifique, c'est un individu qui a sa structure génétique propre et qui, en plus, a été collecté dans des localités qui, aujourd'hui, peuvent avoir disparu, bien sûr, puisque l'état de Rio Janeiro, ça a été un des états de peuplement du Brésil et de développement agricole et industriel du Brésil. Et donc, ça a été une des voies de pénétration des populations à l'intérieur du Brésil. Et les milieux naturels de l'état de Rio ont été transformés très tôt. Alors, fort heureusement, il reste quelques réserves naturelles, mais néanmoins, beaucoup des milieux forestiers, notamment, ont disparu. Donc, les insectes qui ont été collectés depuis plus d'un demi-siècle dans ce type de localité, aujourd'hui, évidemment, nul n'espère pouvoir les retrouver. Quand bien même l'horaire de répartition s'étend au-delà, ce ne sera pas les mêmes populations, ni les mêmes temps, ni les mêmes structures génétiques. Et si on veut un jour comprendre la manière dont ces espèces se sont réparties dans l'espace, la manière dont elles ont souffert de la pression humaine, la manière dont leur structure génétique s'est modifiée, ce sont des documents qui sont disparus à jamais et qui sont totalement irremplaçables. Donc leur perte est totale. Le musée, il a été lié à l'université de Rio, ça s'appelait l'Université du Brésil à l'époque, en 1946. Et donc, tous les archives des chercheurs, les cahiers de terrain, les photographies, les enregistrements, tout le travail de terrain était stocké dans les archives de la bibliothèque du Musée national et a été détruit par l'incendie. C'est une perte très grave. Pour ce qui est par exemple des langues indigènes, donc il y avait un ethnographe d'origine allemande qui avait pris comme nom brésilien, enfin indien courte, Nimuendajo, qui avait fait un certain nombre d'enregistrements très précieux de langues indigènes, dont certaines, dont plusieurs ont disparu, enfin il n'y a plus de locuteurs actuels, et qui étaient effectivement conservés au musée. Benoît de une partie a pu être digitalisée, certains enregistrements, mais toute une partie, il y avait une grande carte ethnico-linguistique qui a disparu, et tout aussi un ensemble, enfin tous ces cahiers effectivement de notes qui je crois n'ont pas été digitalisés ont disparu. Et ça c'est plus général justement. Ligia Sigo avec qui j'ai travaillé qui malheureusement était, enfin elle décédée en 2009 et ses enfants avaient légué aux archives du Musée National l'ensemble de ces archives de recherche à la fois individuelle et collective. Donc il y avait notamment les archives d'enquête collective qu'on avait réalisées franco-brésiliennes en 1997 et 1999. Toutes les cassettes, les enregistrements, les photographies étaient conservées au Musée National. Donc il y avait 35 mètres linéaires en fait d'archives et qui ont complètement disparu. Moi j'ai eu entre 30 et 40 entretiens que j'avais fait sur cassette qui étaient conservés là, qui ont disparu. Cette mémoire était aussi une mémoire pour les travailleurs du sucre du Nord-Est, pour les syndicalistes qui a disparu. Thank you. Ce lieu, c'était un lieu d'échange et un lieu aussi, pour les chercheurs étrangers, je pense un lieu d'accroche. C'est-à-dire qu'une fois qu'on était arrivé à traverser ces passerelles du métro, à monter en haut de la colline, contourner ce bâtiment, on se retrouvait là dans un petit microcosme. Anaïs Fléchet. Avec ses sociabilités, ses rites, etc. Et qui permettaient de se rencontrer. Moi, j'ai aussi rencontré des anthropologues qui aujourd'hui travaillent sur ici en France, mais sur les Indiens du Haut-Xingu. Pourquoi ? Parce qu'ils étaient au Musée national en attendant de recevoir leur fameuse autorisation de la FUNAI, l'organisme qui gère les territoires et les communautés indiennes au Brésil, pour pouvoir aller sur le terrain faire leurs enquêtes. La grande caractéristique du musée, c'est qu'il était une unité de l'Université fédérale de Rio. C'était un lieu de recherche de pointe en plusieurs domaines, en anthropologie sociale, en paléontologie, en géologie, en entomologie. Felipe Brandi. Et en botanique. C'était un musée très, très vivant. Je me rappelle bien de la grande cour carrée, qui était toujours remplie de plantes, avec une fontaine au centre. Et il y avait une multitude d'étudiants, de professeurs, de jeunes chercheurs, toute la journée. C'était très, très vivant. Je me rappelle bien d'aller au musée pour la bibliothèque d'anthropologie sociale. J'ai des souvenirs très nets de mon émotion. La première fois que j'ai eu accès au mélange en honneur de Claude Lévi-Strauss, les échanges de communication qui étaient organisés par Jean Pouillon et Pierre Maranda, je me vois encore assis à la bibliothèque en train de lire Dan Sperber, Louis Dumont. On allait beaucoup au musée pour les collections des périodiques aussi, les L'Homme, Man, American Anthropologist. Nous étions arrivés en camion par une très mauvaise piste jusqu'à un endroit où on nous avait dit qu'on trouverait un petit village, c'est-à-dire quelques huttes de paille, et des piroguiers qui pourraient nous conduire plus loin sur le fleuve, là où il y a que les bords. Claude Lévi-Strauss. Très beau fleuve, des animaux, des oiseaux, une espèce d'énormes bois de plusieurs mètres que nous avons rencontrés. Enfin, tout ça a été très excitant. Et puis, un beau matin, après avoir campé sur les berges comme nous faisions, nous avons aperçu deux formes, trois assez rouges, sur les bords de l'eau. C'était les premiers bororo que nous voyons. Le musée en tant que tel, ça nous renvoie à deux choses. Ça renvoie d'une part à l'histoire du Brésil nation, puisque au fond, ça a été quoi ? Ça a été le palais où se sont installés le roi du Portugal, la famille royale, quand ils sont arrivés au Brésil en 1808, après avoir été chassés par les troupes napoléoniennes. Et à partir de là, c'est devenu le palais impérial, le lieu du pouvoir, le lieu de ce pouvoir nouvellement acquis, de cette indépendance au début du XIXe siècle. Anaïs Fléchet. Donc ça, c'est tout un aspect de l'histoire du bâtiment, qui n'était plus trop présent au début du XXIe siècle, mais qu'on ne pouvait pas complètement ignorer non plus, ne serait-ce que par la taille de cet édifice et son caractère complètement imposant dans un milieu urbain qui n'était pas complètement uniforme, loin de là, aux alentours. Deuxième chose, c'était un musée, pour moi, comme un musée d'histoire naturelle. Et au fond, c'est ce projet des naturalistes du XIXe siècle qu'on voit dans ce musée, puisque les collections ont commencé à être accumulées à partir de 1818. Donc on est encore au tout début du XIXe siècle. On est dans ce qu'on appelle la seconde découverte de l'Amérique latine par tous les naturalistes européens type Humboldt, ou pour le cas du Brésil, Spix, Marcius, qui ont été très importants au XIXe siècle. Et donc, il y a toute cette histoire des musées d'histoire naturelle qu'on voit aussi apparaître dans les collections et qui explique peut-être ces recoupements qui, aujourd'hui, nous sembleraient peut-être un petit peu obsolètes. Ce qui est plus curieux, c'est, à mon avis, le développement de cette anthropologie très moderne, très inspirée de l'école nord-américaine, dans ce lieu qui renvoie à une vision très 19e siècle de ce que pouvait être l'anthropologie. Le musée national, il était lui-même un survivant déjà. Du peu d'intérêt que les pouvoirs, que les successifs gouvernements ont voué au patrimoine historique, culturel et scientifique du Brésil. Felipe Brandi. Ce sont 200 ans de recherches qui ont été détruites. Ce sont toutes les recherches du 19e siècle, à l'époque où il s'appelait encore Museu Real, avant d'être Museu Nacional, et puis toutes les recherches qui ont été menées après que le musée a été associé à l'université. Donc, c'est la bibliothèque, ce sont les archives, ce sont les pièces que les chercheurs travaillaient, ce sont des vestiges d'écosystèmes qui n'existent plus, ce sont les vestiges de l'oppression coloniale qui sont partis en fumée. C'est très, très triste. Souvenirs du musée national. Avec Philippe Grandcollat, Armel Enders, Benoît de l'Étoile, Anaïs Fléché et Felipe Brandi. Remerciements à la Bibliothèque du Tourisme et des Voyages Germaine Tillion à Paris, dont le fonds de guide de voyage ancien et moderne est exceptionnel. Texte lu par Marie Constant, mixage Éric Boisset. Un documentaire d'Emmanuel Laurentin, réalisé par Thomas Duterre. Voilà pour cette dernière partie de nos émissions consacrées aux catastrophes culturelles. Vous pouvez bien entendu réécouter ce documentaire sur le site de France Culture, le commenter sur le groupe Facebook des Amis de la Fabrique de l'Histoire ou encore nous suivre sur le réseau Twitter. Notre adresse, c'est Fabrique FC. Fabrique FC, demain, notre table ronde fiction du vendredi.